Mission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eve Chambreau qui vient nous parler de son roman La Fuite. Bonjour Eve. Bonjour Mona. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? Oula, abruptement comme ça. Disons que je suis une littéraire contrariée qui a fait des études scientifiques et qui a mis très longtemps avant de pouvoir redresser la barre et revenir à ce qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire la littérature, la culture, la littérature, la langue française, et puis à écrire. Ça a été un long chemin de détour, on va dire, avant que j'en sois là où j'en suis. D'accord. Et alors, j'ai vu que vous animiez un atelier littéraire, ça consiste en quoi ? Alors, c'est très difficile de parler des ateliers d'écriture quand on n'est pas dedans. Oui. faire apprécier aux gens ce que ça peut être quand on n'a pas essayé. Il s'agit pour moi de proposer des sortes de consignes aux gens qui sont dans l'atelier pour libérer leur imaginaire, quoi, pour que les gens arrivent en disant « mais moi je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas d'inspiration ». Et en fait, grâce aux consignes que je propose, fouit, les portes s'ouvrent. D'accord. Et c'est, vous le voyez comme ça dans les 5 minutes qui suivent ou ça prend du temps ? Pas forcément dans les 5 minutes, mais même un atelier de 3 heures ou même d'une heure et demie, on voit des choses se passer avant la fin, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ? Moi, j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai toujours écrit des lettres à des tas de gens à l'époque où on écrivait, des choses sur des bouts de papier, des carnets, des... Mais je ne m'autorisais pas à écrire un livre. Pour moi, le livre, c'était la chose inaccessible. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus que les autres, etc. C'est vraiment une question d'autorisation. Oui, et un jour, justement, j'ai fait un atelier d'écriture en tant que moi participante. Oui. Et là, hop, voilà, déblocage. Je me suis rendu compte que je pouvais moi aussi imaginer des choses. C'était ça le souci. Parce que l'écriture me venait très facilement. Et je me disais, j'arriverais pas à imaginer. Et en fait, bah si. Et à partir de là, au moment où je me suis sentie autorisée, où je me suis autorisée moi-même, j'ai commencé à écrire. Depuis 2008, voilà, j'ai pas arrêté. D'accord. Et vous avez des rituels, vous ? Oui, j'ai un petit rituel. Il faut que mon bureau soit propre, ce qui n'est pas le cas en général. Il est encombré de tas de choses qui s'empilent, oui, qui s'empoussièrent, qui stagnent. Et parce que je travaille bon, pour préparer les ateliers, etc. Bon. Et quand je devais écrire, alors là, il faut faire le grand ménage, il n'y a plus rien, le clavier, l'ordinateur, et c'est tout. Voilà. Je pense que ça correspond à faire aussi le vide dans sa tête, en même temps, voilà, pour se consacrer vraiment à l'écriture. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre, La Fuite ? Alors, La Fuite, bon, qui vient de sortir là au mois d'août, c'est mon dernier bébé, on va dire. C'est un roman assez noir. J'ai voulu faire un roman sur le mensonge, en fait. C'est ça le thème principal, je pense. Et donc, c'est un roman qui est inspiré de faits divers, au pluriel, je dirais. Et oui, voilà, c'est ça. Oui. En gros. En gros, oui. En très gros. Oui, ça peut un peu juste... C'est un peu juste. Alors, oui. C'est l'histoire d'un homme qui... s'enferme peu à peu dans le mensonge. C'est quelqu'un qui est très soucieux des apparences. Il faut qu'il ait l'air d'avoir réussi, il faut qu'il ait l'air d'être quelqu'un, il faut, oui, qu'il ait l'air d'avoir, de posséder, etc., de montrer. Et à un moment, ça ne fonctionne plus professionnellement. Donc là, il va essayer de le cacher à tout le monde. Et il y a une sorte de fuite en avant, justement, qui va très mal se finir, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ça fait un peu penser et à l'affaire Roman et à l'affaire Dupont de Ligonnès, un peu des deux. Absolument, exactement. J'ai voulu... Il y en a aussi une autre, l'affaire John List aux États-Unis dans les années 60. Alors là, c'est troublant parce que c'est vraiment la même chose que l'affaire de Ligonnès avec les enfants qui sont... Enfin bon, passons. Oui. Et donc moi, j'ai voulu faire une sorte d'archétype, en fait, c'est-à-dire ce type d'histoire, voilà. Mm-hmm. Donc c'est un mélange un peu, je me suis inspirée d'un peu tous ces faits divers, oui. Ouais, ouais. Alors le roman se présente comme un dialogue à deux voix, il y a le narrateur et des morceaux du journal intime du héros. Alors pourquoi ce choix ? Ça fait ressortir le manque de dialogue entre les époux ? Oui, ça fait ressortir le manque de dialogue et les incompréhensions, parce que pendant qu'il y en a qui pensent, il y en a un qui pense quelque chose, l'autre comprend le contraire ou comprend autre chose ou ne voit rien. Oui. Donc c'est cette construction à deux voix avec le narrateur, donc qui nous fait son journal effectivement un peu intime, et puis la deuxième voix qui mêle un peu celle de l'épouse et des enfants, où on voit que s'installent des incompréhensions terrifiantes. Oui, c'est vrai que ça fait peur. Alors, votre héros est marié avec Sabine, a des enfants, Édouard, Jeanne et Charlotte. Mais lui n'a pas de nom. Alors, pourquoi ? Alors, moi, j'aime bien les personnages qui n'ont pas de nom. Bon, déjà, c'est le narrateur. Donc, on n'est pas obligé de dire son nom. Il ne va pas dire « je m'appelle comme ça ». Voilà. Donc, déjà, il y a la construction qui appelle ça. Et puis ensuite, je pense que quand on donne un nom à un personnage, on évoque déjà dans la tête du lecteur énormément de choses. Si la personne s'appelle Paulette ou Cindy, on n'imagine pas du tout la même personne. Donc nommer le personnage, c'est déjà lui donner un contour assez défini. D'accord. Et donc moi j'aime bien laisser le lecteur construire son personnage. Donc je le nomme pas. Ah oui, d'accord. Parce que effectivement, je l'ai relu, puis je dis, mais non, on ne sait même pas son prénom, effectivement. Dans mes deux romans précédents, c'est pareil. Hein, on nomme la narratrice, là, parce que c'était une narratrice dans les deux autres. On ne sait pas comment elle s'appelle. Voilà. D'accord. Alors, le héros a un côté enfantin, son rêve américain, il croit au miracle. Mais il est aussi très, très manipulateur. Il a l'art de créer de nouveaux besoins chez le consommateur pour vendre ses produits. Pour obtenir un statut social, ce qui a l'air d'être très très important pour lui. C'est ça. Il est prêt à tout pour ça ? Oui, il est prêt à tout. Il est complètement aveuglé par cette obsession, quoi. La réussite, de ce qu'il s'imagine être la réussite en plus. Hein. Oui, voilà. C'est ça. C'est sa vision de la réussite. Oui, mais en même temps, comment dire ? Il est aussi marqué par son éducation catholique, mais on le sent effectivement, comment dire ça ? Je sais pas, je le sens effectivement prêt à tout, mais en même temps très malheureux. Il est pas heureux, cet homme-là. Absolument. C'est ça qui est un petit peu ambigu dans le roman. J'ai eu plusieurs retours de lecteurs. C'est que cet homme-là, on le plaint et parfois même on le comprend. Il est malheureux. Il est effectivement malheureux et on a de l'empathie parfois pour lui. Oui. Oh, ça passe vite quand même. Ça passe vite, oui, mais. on a pitié parfois, on se dit qu'il est malheureux cet homme, effectivement. Oui, oui, oui. Ouais, oui. Alors il préfère vivre d'expédients, hein. Il y a le principe de cavalerie là, qu'on voit bien monter, et il se refuse de chercher un emploi salarié, donc c'est vraiment la fuite en avant. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il mérite autre chose qu'une petite vie d'employé ? C'est ça, les deux, oui, il est orgueilleux et il ne veut pas être sous la coupe, on va dire, d'un employeur. Oui. Et pour lui, la réussite, c'est le self-made man aux États-Unis, effectivement. C'est le chef d'entreprise, quoi. Salarié, pour lui, c'est besogneux, quoi. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas assez bien pour lui, en fait. Absolument. D'accord. Alors, nous allons faire une première pause musicale et nous allons écouter La Route de Radio Elvis. Jamais criais-je sur le départ et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée doucement, j'essayais doucement de contenir les vents. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevalier de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. J'ai prononcé des mots que je ne connaissais pas, jamais si proche de moi que sur les chemins de l'errance. Alors nous sommes toujours avec Eve Chambrault pour son roman La Fuite. Alors votre héros est très marqué par son éducation catholique. Vous n'êtes d'ailleurs pas très tendre avec le catholicisme. Vous dites, je vous cite, « La religion catholique ne véhicule que des notions négatives. Par ordre alphabétique, aveu, confession, crucifixion, culpabilité, damnation, diable, enfer, expiation, faute, jugement, malédiction, péché, pénitence, etc. etc. » Alors, vous pensez que cette éducation l'a prédisposé à se comporter comme il le fait ? Bon, déjà, c'est mon personnage qui parle, hein. Oui, c'est pas moi. Prédisposé, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a pas trouvé les réponses. Et il a même, je pense, trouvé des mauvaises réponses à ces questions qui ne l'ont pas aidé, quoi. Ouais. Je pense que c'est plutôt ça. Parce qu'en même temps, au début, on a l'impression qu'il croit effectivement en Dieu, etc. Le fait... Et il attendait un miracle. Et c'est comme ça. Le miracle n'est pas venu, il se détache de, voilà, de cette ça. Religion. Il n'a pas eu ce qu'il demandait. Et pourtant, je ne demandais pas grand-chose. Hein, on peut l'imaginer en train de penser ça. Donc, il n'a pas eu ce qu'il demandait. Le miracle ne s'est pas accompli. Oui. Et donc, il en veut à Dieu, en fait. Donc, il décide de plus y croire, quoi. Et puis, il commence à trouver tout ce qu'il y a de négatif dans la religion, dans la religion. Pour appuyer son dépit. Oui, oui. Parce que quand, effectivement, marqué par cette éducation, il a besoin de se sentir bien. C'est pour ça qu'il épouse Sabine, qui a déjà un enfant qui n'est pas de lui, donc qui va reconnaître. Et on a l'impression que ça le grandit par rapport au monde, en fait. C'est oui, je pense qu'il croit faire une... Enfin, il se dit qu'il fait une bonne action, quelque part, oui. Avec les préjugés un peu dépassés sur les filles mères, comme on disait il y a longtemps. Donc, il a l'impression de faire une bonne action. Et aussi un pied de nez à sa famille, quoi. Oui. Voilà, aussi un pied de nez. Alors, Sabine, elle voulait un beau mariage, une famille nombreuse, une belle maison, un bon train de vie, un jardin qui ferait l'admiration de ses amis. Elle croyait que se marier suffirait à donner un sens à sa vie. Vous pensez qu'aujourd'hui encore, c'est le rêve de beaucoup de jeunes filles ? Moins, il me semble. Beaucoup moins qu'avant. Mais peut-être encore chez certaines femmes, pour qui ça serait un épanouissement, un projet. En fait. Oui. Voilà, c'est un projet comme un autre, finalement. Oui. C'est un projet de vie. Et moi, j'ai un peu l'impression que ça recommence du fait de la dureté de la vie, du manque d'emploi, etc. J'ai un peu l'impression que y a pas mal de jeunes filles qui cherchent une épaule pour les soutenir, quoi, en fait. Bon, moi, je sais pas trop. Je connais pas trop de jeunes filles dans mon entourage. Bon, parce que j'ai déjà passé la cinquantaine, puisque c'est pas... À la radio, on n'a pas l'image. mais je pense qu'il y a quand même certainement encore des femmes qui ont ce projet sincère, quoi, que ça donnerait un sens à leur vie, effectivement, d'avoir une famille, des enfants. C'est pas facile à réussir, quand même, il faut reconnaître. Hein. Non, donc, non, c'est sûr. C'est un beau projet, voilà. Mais est-il suffisant, ça ? Voilà, c'est ça. Alors, quand la situation financière de monsieur se dégrade, il éprouve le besoin d'humilier sa femme. Il devient distant, odieux, parfois agressif, souvent méprisant. Vous pensez que le caractère de Sabine a joué un rôle ou bien la descente aux enfers était inévitable ? Je pense que ça a joué un rôle. Y a des signes de cette descente aux enfers, forcément. Oui. Hein, y a des signes. Et donc, ne pas les voir ou choisir de ne pas les voir, décider de ne pas les voir, même dans la passivité, c'est une façon d'alimenter effectivement cette descente aux enfers. Quoi. D'accord. En fait, on ne naît pas bourreau, on le devient, et on ne naît pas victime, on le devient. Oui, quelque chose comme ça, oui. Je pense qu'elle avait peut-être plus que lui, parce que lui, il a quand même, je pense, un problème. Un problème qu'on pourrait dire de pervers narcissique. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, pour faire un peu, bon, c'est un mot qui est maintenant un peu galvaudé, mais lui, il a quand même ce problème. Il a quand même, oui. Voilà. Elle, je pense qu'elle n'a pas de problème psychologique au départ, sauf peut-être une mauvaise estime de soi, mais ça se guérit, ça se travaille. Hein. Oui. Alors que lui, bon, je pense que c'est plus difficile. Mais elle, elle avait quand même, à certains endroits, je crois qu'on le sent dans le livre, à certains endroits, elle a eu des choix à faire. Choix de voir, de ne pas voir, de réagir comme ci ou comme ça, de partir, oui. De le quitter, d'emmener ses enfants, etc. Alors c'est des choix difficiles, hein, évidemment, mais c'est quand même des choix. Et à chaque fois, elle a choisi de rester et de ne pas voir. Alors les enfants sont très conscients du caractère du père qu'Edouard appelle Monsieur CQFD. Et ils sont conscients aussi de la démission de leur mère. Alors comment on peut s'accommoder d'une telle famille, en fait ? Les enfants, bon, j'en parle moins que des parents dans le livre, bien sûr. Mais ils apparaissent quand même. J'en parle moins, et comment on peut s'accommoder, c'est la même réponse, c'est que je crois que les enfants, ils n'ont pas le choix, oui. À la différence des adultes. C'est pour ça que j'en ai moins parlé, parce que ce qui se noue entre les adultes est absolument décisif. Quoi. À chaque moment, ça pourrait se passer autrement. Les enfants, eux, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ouais. À part l'évitement, en fait. Voilà. À part l'évitement, se construire une bulle, essayer de s'enfermer dans sa chambre et d'attendre que ça passe. Les enfants, malheureusement, dans ce type de situation et dans des tas d'autres situations, n'ont absolument pas de pouvoir, pas de choix. Pas de... Oui, bien sûr. Alors, c'est le sens du titre de votre livre, La fuite en avant du père, la mère qui fuit la réalité et l'évitement des enfants, c'est ça ? Oui, tout le monde fuit. Bon, ce n'était pas le titre original, pour être honnête, hein. Ça, c'est plutôt le choix de l'éditeur, ce titre. Mais bon, oui, il reflète effectivement la direction que prend le livre et que prend tout le monde, quoi. Physiquement et psychologiquement, oui. Oui, vous aviez choisi quel titre, vous ? Alors moi, au tout départ, parce qu'un titre, ça vit au fur et à mesure du livre. Hein. Oui. Quelquefois, il est là dès le départ. Quelquefois, il monte à la fin avec une grande évidence. Tout d'un coup, on dit, mais c'est ça qu'il faut. Donc au tout départ, il s'appelait « Le septième cercle ». Et puis, parce qu'il est beaucoup question de... Le narrateur aime beaucoup Dante. Donc, oui. Il cite des passages, quelques passages de l'enfer de Dante. Donc, dans cet enfer de Dante, il y a une histoire de cercle. Hein, le cercle des damnés, en fonction des péchés qu'on a commis. Et donc, le septième cercle reflète l'ensemble des péchés que lui a pu commettre. Quoi. Mais c'était très difficile à prononcer, le septième cercle. Et puis, ça a été déjà utilisé pour un roman policier. Enfin, voilà. Donc, on n'a pas pu prendre celui-là. Donc après, moi, j'avais choisi un vers de Rilke qui était « Et je fis de ma maison un gibet ». Ah, oui. Je trouvais ça très beau. Mais bon, voilà, on n'a pas pu se mettre d'accord. Donc, voilà, maintenant ça s'appelle la fuite. Voilà, c'est les dessous, c'est la cuisine des maisons du monde de l'édition que je vous dévoile. Alors, dans la fuite, vous faites dire à une femme, Ornella, que l'on peut aimer deux personnes à la fois. Vous y croyez vraiment ? Oui. Aimer d'amour, hein ? Oui, oui, oui, moi je crois à ça. Vous croyez à ça ? Parce qu'on ne les aime pas. Pour les mêmes raisons, bon, Ornella, elle a un mari qui est souvent absent, mais avec lequel elle a certainement des relations qu'on ne connaît pas hein, vraiment, mais bon, d'un certain type. Et puis avec le narrateur, elle a une aventure quoi, assez charnelle, comme ça, qui est certainement d'un autre type. Et elle se voit bien jouer sur les deux tableaux. Quoi. Oui, d'accord. Alors, et comment expliquez-vous le fait qu'un homme qui n'a pas cessé de tromper sa femme meurt 4 mois après elle parce qu'il ne peut pas vivre sans elle ? Je parle des parents du narrateur. Oui. Alors pourquoi c'est des parents, c'est le paradoxe aussi des couples, parce que c'est un peu aussi le sujet du livre. Oui. C'est qu'ils n'ont pas arrêté de se chipouiller pendant des années. Il n'a pas arrêté de tromper sa femme, effectivement, le père du narrateur, avec un certain panache, mais avec assez peu de discrétion. Mmh. Et en même temps, il ne peut pas vivre sans elle, oui, parce que le couple est quelque chose de très solide parfois, même avec l'adultère, avec... voilà. Oui, avec oui. Donc, il renonce finalement... À vivre, oui, il renonce, il se laisse aller, quoi, parce que bon, il est quand même pas en bonne santé. Bien hein, sûr, oui. Voilà, il se suicide pas, mais il lâche, quoi, il renonce parce qu'il trouve que finalement sans elle, ça. La vie ne vaut pas d'être. Ça vaut pas le coup. Oui, ouais, d'accord. Alors, vous avez écrit d'autres livres, dont Le Nœud de Pomme. Vous pouvez nous en parler? Alors, Le Nœud de Pomme, c'est le premier roman que j'ai écrit. C'est un livre qui se présente de façon un peu fragmentaire. Il y a une sorte de 15 tableaux, on va dire. C'est les 15 moments forts dans la vie de cette narratrice, oui, qui sont racontés comme un peu des nouvelles. Mais en fait, c'est quand même la même narratrice. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un roman. Et j'ai voulu faire quelque chose sur comment se mobilisent nos souvenirs. Quoi. Est-ce que quand les souvenirs qu'on convoque... voilà, facilement, tiens, genre, on se souvient de ci, on se souvient de ça. Et puis les souvenirs qui, pouf, surgissent hein, comme ça, tout d'un coup, on s'y attend le moins, par une association d'idées, par une odeur qui passe, et tout d'un coup remonte quelque chose qu'on croyait avoir totalement oublié. Voilà. Je trouve ça assez intéressant. Donc c'est un peu ce qui se passe c'est des moments qui remontent comme ça, presque à son insu, oui, oui, qu'elle explore, voilà. Oui, je trouve que ce livre-là est beaucoup plus serein que La Fuite, en fait, hein, c'est... Oui, c'est vrai, c'est très différent. Et le prochain, dont on parlera peut-être tout à l'heure, oui, sera beaucoup plus tendre et doux. La fuite est assez dure, c'est vrai, mais je m'étonne moi-même. Je crois qu'il y a deux facettes, à la fois en tant que lectrice et en tant qu'auteur, j'ai vraiment deux facettes. Vous voyez, en tant que lectrice, par exemple, j'aime énormément Houellebecq, mmh, et j'aime énormément Christian Bobin. Bon, c'est un peu le grand écart littéraire. Donc je pense que c'est exactement la même chose entre La Fuite et Le Nœud de Pomme, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi assez sombre, assez pessimiste, assez ironique parfois, qui aime bien explorer les difficultés du couple, le mensonge, enfin, c'est quelque chose qui me fascine. Et puis une autre part de moi beaucoup plus douce, plus sensible à la poésie, qui croit encore à des choses. Et c'est cette partie-là qui à la fois lit Christian Bobin et qui à la fois écrit Le Nœud de Pomme, quoi. Oui. Alors, Le Nœud de Pomme, c'est le titre d'une des nouvelles... d'un des chapitres, d'un on va dire. D'un des chapitres, mmh, oui, oui, oui. Et c'est cette promenade en péniche, c'est très reposant, c'est très... Voilà, et ça, le Nœud de Pomme vient de ce chapitre-là. En fait. Oui, c'est un terme de batellerie, en fait. Hein. Mmh. C'est un cordage, enfin bon, on s'est expliqué dans le livre. Et c'est un titre un peu mystérieux, justement, pour attirer un peu. Hein, oui, oui. Voilà. Et c'est vrai que ce livre est venu avec cette idée de balade en péniche qui m'est revenue, que je n'avais pas oubliée, mais à laquelle je ne pensais plus. Enfin, en bateau. Hein, les mariniers n'aiment pas qu'on dise péniche. Hein. Donc, la batellerie, c'est une autre de mes passions. Et donc, le prochain roman qui cherche en ce moment sa fin, son chemin, s'appelle « Débarquer ». Et il est à nouveau dans le monde de la batellerie, mais beaucoup plus présent que dans Le Nœud de Pomme encore. D'accord. Alors, dites-nous où on peut trouver vos livres. Alors, on les trouve à Nancy, là, on les trouve au Hall du Livre. On les trouve à la librairie Didier, près de la place Stanislas, et à l'autre rive. Peut-être à d'autres endroits, mais j'en ai pas connaissance. En tout cas, on peut le commander de toute façon dans toutes les librairies. Et on le trouve sur Internet aussi, pour ceux qui aiment ce mode d'achat. Alors, quels sont vos projets, votre actualité? Alors, ce fameux Débarqué, là, que je viens de terminer, un livre auquel je tiens beaucoup. C'est vrai qu'il est beaucoup plus tendre, ça n'a rien à voir avec la fuite. Hein. Mm-hmm. Donc, celui-là, il va chercher lumière et visibilité pour 2017, on va dire. Oui. Voilà. J'en ai un autre encore, déjà, qui est presque prêt aussi. Qui est plus... Alors là, on repart dans quelque chose de plus sombre, hein, là, qui explore les difficultés du couple. D'accord. Mais celui-là, il est encore en chantier. D'accord. Et vous avez, vous faites les comment donc les manifestations autour du livre. Vous allez dans des salons. Vous allez à la rencontre du public. Oui. Bah oui, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant de rencontrer ses lecteurs. Hein. Donc oui. J'étais au Livre sur la Place. Pardon. J'étais au Livre sur la Place au mois de septembre, là, pendant 3 jours. C'était oui. Formidable. Et puis là, je suis en train de chercher d'autres salons dans la région. Je vais avoir une dédicace le 14 décembre à la librairie Isleraven à Metz. Oui. Et je suis en train, avec mon éditeur, de chercher d'autres dates à Lunéville ou à Pont-à-Mousson. Ou... Oui. Voilà. Et c'est amusant de rencontrer ou c'est stressant de rencontrer les lecteurs ? Les deux, même les trois, je dirais. C'est amusant, c'est gratifiant. Oui. Parce que pour l'instant, j'ai eu la chance d'avoir aucun lecteur qui est venu me dire « j'ai pas du tout aimé, c'est nul ce que vous avez fait », tout ça. Donc c'est plutôt des gens qui viennent me dire qu'ils ont apprécié. Donc c'est, oui. Donc c'est à la fois, c'est très gratifiant. Et puis c'est très stressant parce qu'on a peur que justement le lecteur ne vienne pas. Et de rester là assis pendant que les gens passent, et ça arrive hein, des fois, pendant des heures. Hein. Oui. Vous voyez les gens passer devant vous, ils s'arrêtent à votre gauche, ils s'arrêtent à votre droite, ils s'arrêtent pas chez vous. C'est très cuisant et puis c'est très questionnant quand on se dit bon sang, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ma tête, c'est mon titre, c'est très bouleversant émotionnellement les salons. Mm-hmm. Parce qu'il y a toutes ces émotions contraires. Quoi. Ouais. Et alors on écrit pour soi ou pour les autres ? Pour soi, définitivement. Pour soi ? Oui. Oui. Ça n'a pas de sens que ça reste dans un tiroir. Donc après, il faut qu'il y ait des autres pour lire. Mais on n'écrit pas... Enfin, moi, je parle pour moi. Je n'écris pas pour eux. Oui. J'espère qu'ils vont aimer. J'espère que j'aurai un lectorat. J'espère que les gens seront... Des fois, je suis même stupéfaite des retours qu'ils me font, des choses que je n'avais pas le sentiment d'avoir mis, mais qui est dans le livre, qu'ils ont découvert. Et, je suis la première surprise. Donc, mais je n'écris pas... Pour, c'est pas en direction, parce que écrire pour en direction, ça voudrait dire chercher à plaire, oui. Se dire bon c'est quoi l'air du temps, et puis il faut peut-être que je nomme mes personnages, il faut peut-être que je mette plus de... Enfin voilà, ça soit peut-être plus simple la construction, enfin j'en sais rien, je sais pas. Mais je pense que quand on écrit pour, on essaye de plaire, et là à mon avis c'est... Oui. Enfin, c'est pas intéressant, et, enfin je sais pas, et est-ce qu'on y arrive, j'en sais rien, enfin je sais pas. Il y en a qui arrivent. Ça oui. Fait de la littérature commerciale. Oui. Oh, j'aime pas trop parler de ça parce que c'est. Oui, bien sûr, c'est toujours un peu. Mais c'était une vraie question pour savoir si on écrivait vraiment pour soi ou pour les autres. Non, moi j'écris pour moi. Enfin, ça a l'air comme ça très égoïste, mais en fait c'est pas ça. Enfin, moi j'écris parce que ça me permet de m'apaiser en répondant à des questions. Par exemple, sur la fuite, un fait divers, on connaît que la fin. Oui. Voilà, c'est ce qui vient d'arriver, on vous lit dans le journal, et nous, en lecteur, on a la fin. Qu'est-ce qui amène à ça ? Que se disent les gens pendant que le processus est en route ? De quoi ils parlent à table ? Qu'est-ce que se dit ce couple à la dérive ? Donc moi, ça, c'est des questions qui m'angoissent, c'est des questions sur la vie, les rapports entre les gens, etc. Bon, là, c'est vraiment un exemple, mais... Donc moi, écrire là-dessus, essayer d'explorer le mystère, de vider le sac, de trouver ma réponse, qui est... Parce que j'imagine ce que les gens se disent, mais évidemment, je ne fais qu'imaginer. Mais bon, voilà, trouver ma réponse à ça, moi, m'apaise considérablement. Et donc, l'écriture, pour moi, c'est un apaisement. Mmh. Bah, écoutez, c'est bien. L'apaisement pour le lecteur dans le nœud de pomme, je suis d'accord. Dans la fuite, c'est moins vrai. Oui, il paraît que c'est un livre qui brutalise un petit peu. Bon, oui. Je n'avais pas envie de brutaliser. Mais je suis contente d'avoir écrit un livre fort, en fait. Oui, c'est voilà. Un livre très, très fort. Voilà, ça me touche qu'on me le dise. Voilà. Alors, merci à Eve Chambrault d'être venue nous parler de son livre La Fuite. Merci beaucoup à vous, surtout. Au revoir à tous et à bientôt.